pense qu'il y a des pauvres qui rêvent d'un peu de pain, d'un petit bol de soupe, mais qui n'ont rien. Quand on pense qu'il y a des pauvres qui rêvent d'un peu de rien, d'un petit bol de soupe, mais qui n'ont rien. Des enfants somaliens souffrent chaque seconde, pendant que nous, à la longue, on se transforme en crétins. Ils rêvent d'un peu de bouffe, ils se disent que c'est trop tard, pendant que nous on étouffe devant un film le soir. Quand on pense qu'il y a des pauvres qui rêvent d'un peu de pain, d'un petit bol de soupe, mais qui n'ont rien. Quand on pense qu'il y a des pauvres qui rêvent d'un peu de rien, d'un petit bol de soupe, mais qui n'ont rien. Des enfants somaliens souffrent chaque seconde, pendant que nous, à la longue, on se transforme en crétins. Ils rêvent d'un peu de bouffe, ils se disent que c'est trop tard, pendant que nous on étouffe devant un film le soir.